Mettre une batterie, d'accord. J'ai trouvé un truc là, tu vas me dire ce que ça donne. On est en tempo combien? 130, c'est ça? 130. On va voir ce qu'on peut faire là-dessus. Fais ce que tu veux. En fait, je la cale. C'est de la. Attends, je vais la caler sur le 1. Alors, attends, t'es prêt? Tu vas me dire si c'est bon. Je vais essayer de la faire partir sur le 1. Bah, c'est des midi-fi alors. C'est de la séquence que je fais tourner avec. Merde, raté. J'ai raté le départ. Ah non, j'ai raté le premier truc. Merde. Ça commence bien. Il est où le départ de ce truc là? Bon, tout à l'heure c'était carré. C'est plus carré. J'ai essayé de l'agrandir un peu. Je vois la première mesure. Attends, j'avais compris tout à l'heure et puis ça y est, c'est reparti. Bon alors, tu vas. Ah si, tu as 130. D'accord, là c'est pas bon. Attends, je vais pousser le. Faut que j'ai le bon truc. Et les fenêtres sont trop grandes, alors j'arrive pas à voir le. T'as des modifications de tempo et je sais pas pour où il met des modifications. Alors, remove time signature. Alors, il y a une time signature. En fait, tu dois pouvoir boucler, je sais pas moi, 16 mesures. Voilà. Je vais essayer de trouver 16 mesures. Je suis en train d'apprendre. Hein. Reaper, je connaissais pas, je connaissais que Button. Et je vais essayer de bloquer 16 mesures. Alors, faut que j'agrandisse un peu. Et normalement, c'est carré ce truc là. Déjà, j'ai pas pris les bonnes mesures.